Chapitre 9. Gisèle est punie et pardonnée. Le dîner fut triste pour Léontine. Son frère et ses sœurs, auxquelles elle avait tout raconté, la regardaient avec une tendre pitié. Madame de Montclair taquina le vieux Tocambel, qui ripostait avec esprit et gaieté. Ils finirent par distraire Léontine et par égayer tous les convives. Les trois jeunes cousins, amis de Blanche et de Laurence, Louis, Jacques et Paul, y aidèrent de leur mieux. Après dîner, ils demandèrent à Madame de Montclair de se mettre au piano. Georges et Isabelle ne furent pas négligés. Chacun s'empressa de les faire danser, la gaieté devint générale et gagna Léontine elle-même. Au bout de quelque temps, Madame de Montclair demanda à Léontine de la remplacer au piano. « Mes vieux doigts sont fatigués, » dit-elle. « Ils ne peuvent plus aller assez vite, et mes vieilles jambes demandent à se dégourdir. Je veux danser aussi, moi. Allons, Père Toc, venez m'engager pour une contredanse. » Faisons voir à cette jeunesse comment on dansait de notre temps. Mettez-vous tous en place, en avant d'eux. Ce sont les vieux qui commencent. » Madame de Montclair et M. Tocambel commencèrent un avant d'eux, élégant et classique. La contredanse s'exécuta au milieu des rires et des bravos. Les pas de Zéphyr, les pas de Basque, les pirouettes, les entrechats, les pas mouchetés, rien n'y manqua. Chacun fit de son mieux, mais aucun ne put égaler la grâce, la légèreté, la souplesse du vieux couple. « Ah, je n'en puis plus !» criait Madame de Montclair en exécutant le dernier chassé-croisé. « Je suis rendue. Pierre, viens m'aider à regagner un fauteuil, une chaise, n'importe quoi. Les vieux danseurs n'ont plus de force. » À peine Madame de Montclair, soutenue par Pierre, fut-elle installée dans un bon fauteuil, que la porte s'ouvrit et qu'à la surprise générale, Victor entra, tenant Gisèle par la main. Léontine poussa une exclamation de mécontentement et quitta le piano. Madame de Montclair. « Eh bien quoi, qu'est-ce que c'est? Un danseur et une danseuse de plus ?»« Léontine, tais-toi, ne bouge pas, je vais tout arranger. Pierre, prends Gisèle. Victor, venez près de moi. Les trois cousins, prenez chacun une cousine. Père Toc, faites danser les petits et battez la mesure. En place, les danseurs. Chassez croisés !» Et avant que Gisèle et Victor eussent compris ce qu'on allait faire, ils recommencèrent une contredanse semblable à la dernière. Léontine, un peu troublée, se trompa, manqua la mesure, mais personne n'y fit attention, tant on était animé à sauter, à tourner, à pirouetter. Gisèle, troublée en entrant du tumulte et de l'exclamation de sa mère, fut entraînée par la gaieté des danseurs. Victor lui-même perdit sa gravité, et la contredanse n'était pas finie que personne ne songeait ni à l'entrée imprévue de Gisèle, ni à ses méfaits précédents. Léontine elle-même, enchantée de voir Gisèle rire et danser, donnait à sa musique une vivacité, un éclat qui augmentait l'entrain général. À une contredanse en succéda une autre, puis un galop monstre, après lequel tous d'un commun accord demandèrent grâce. Pendant qu'on prenait des rafraîchissements et des gâteaux, Léontine s'approcha de Madame de Montclair, qui était restée dans son fauteuil. « Bonne chère tante, lui dit-elle, les yeux pleins de larmes. « Comme vous avez tout arrangé et tout fait pardonner. Avec quelle bonté, avec quel esprit charmant. Je suis bien, bien reconnaissante, ma chère tante. » Léontine lui baisa la main. Sa tante l'embrassa. « Il reste quelque chose à faire, » dit-elle. « Tu vas voir. Avez-vous bientôt fini de vous rafraîchir, vous autres jeunes? Bon, approchez tous. Rangez-vous en ligne, devant moi. Bien, à présent que personne ne bouge et ne parle, et que tous m'écoutent. L'homme est mauvais par nature. La femme aussi, bien entendu. » Mais hommes et femmes sont bons, quand ils le veulent. Voulez-vous être bons, tous, tant que vous êtes ? Oui, oui, s'écrièrent-ils, tous. Alors pardonnez-vous les uns les autres, afin que le bon Dieu vous pardonne. Que chacun de vous se réconcilie de bon cœur et ne pense plus au passé. Aimez-vous les uns les autres, et jetez-vous dans les bras les uns des autres. Une, deux, trois. Aux trois, Madame de Montclair se jeta dans les bras de M. Tocambel, Léontine dans ceux de Victor, Pierre, dans ceux de Gisèle, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous se furent embrassés. On riait, on se poussait, on se culbutait. Les deux petits passaient de bras en bras. Le fort de la mêlée dura plus d'un quart d'heure. Quand l'ordre fut rétabli, Gisèle était encore fortement serrée dans les bras de sa mère. Toutes les deux pleuraient. « Je ne veux pas qu'on pleure !» s'écria Madame de Montclair. « Une pénitence pour les pleureurs. On va jouer à Colin Maillard. Léontine et Gisèle le seront. « Vite, des mouchoirs, et à genoux, pour qu'on vous bande les yeux !» Léontine obéit, après un dernier baiser, déposé sur une dernière larme qui coulait sur la joue de Gisèle. On leur banda les yeux, et le jeu commença. Noémie emmena Georges et Isabelle, qui ne pouvaient plus se tenir sur leurs petites jambes, elle les remit à leur bonne. À peine furent-ils couchés qu'ils s'endormirent profondément pour ne s'éveiller que le lendemain à 10 heures. Ils avaient dormi 13 heures. La soirée continua, gaie et bruyante. Gisèle revenait souvent près de sa mère pour l'embrasser, pour lui dire un mot de tendresse, vrai cette fois. Léontine éprouvait un bonheur qui se reflétait sur son visage, ordinairement triste et doux. La tristesse avait disparu. La douceur seule y restait et embellissait sa physionomie. « Comme Léontine est jolie ce soir, » dit M. Tocambel à sa vieille amie. « Madame de Montclair, parce que le bonheur maternel est son mélange d'inquiétude, et voyez aussi Gisèle, elle est charmante, jolie et charmante. » « M. Tocambel, c'est vous, fée bienfaisante, qui avez amené ce changement. » « Madame de Montclair, pourvu que le mauvais génie ne vienne pas nous gâter tout cela. » Monsieur Tocambel, cela se pourrait bien. Il est terrible de faiblesse. Il arrête tous les bons mouvements de Léontine. Quelle idée habile et charmante vous avez eue. Tout en riant, vous leur avez fait le plus beau sermon qu'ils pourront jamais entendre prêcher dans le cours de leur vie. Madame de Montclair, riant. Taisez-vous, flatteur. Gare au gazon. Monsieur Tocambel. C'est bon, baronne. J'en ai de rechange. La soirée se prolongea assez tard. À 10 heures, on servit le thé, des glaces, des gâteaux et du chocolat. L'exercice avait réveillé l'appétit. On fit honneur à la collation. À 11 heures, on se sépara. « Ma tante, nous allons vous ramener chez vous, » dit Léontine. Madame de Montclair. « du tout, mon enfant, il fait si beau. Je m'en vais à pied avec mon ami Tocambel. Vous allez me donner le bras, j'espère bien. » Monsieur Tocambel. « Je n'en sais rien. Vous êtes si folle que vous me ferez passer pour un fou. Et dans la rue, vous sentez que ce n'est pas agréable. » Madame de Montclair, voyez-vous ce délicat? Allons, vite, donnez-moi votre bras, et partons. Monsieur Tocambel, je n'en puis plus. Mes jambes ne peuvent plus me porter. Madame de Montclair, eh bien, je vous porterai. Vous serez mon bébé. Fameuse chevelure pour un bébé. Monsieur Tocambel, mais baronne, je vous dis que je ne peux plus me tenir. Madame de Montclair, laissez donc. Vous n'avez que 64 ans, et moi qui en ai 46. Ce n'est qu'une différence de chiffres posés, vous voyez bien. » Tout en résistant, M. Tocambel fut saisi par le bras et emmené, moitié riant, moitié grommelant, par sa terrible mais excellente amie et ennemie tout à la fois. Elle se plaisait à le tourmenter, et lui se plaisait à être tourmenté par cette aimable et encore charmante amie. Malgré ses 46 ans, elle avait conservé une gaieté, un éclat, une légèreté, une santé de 20 ans. Bonne avec tout le monde, amie fidèle et dévouée, elle avait des amis innombrables qu'elle taquinait sans les fâcher, dont elle riait sans les blesser. Riche et d'une position élevée, elle se mettait au service de tous ceux de son intimité qui avaient besoin de sa protection ou de sa bourse. Aussi était-elle reçue partout à bras et à cœur ouvert. M. Tocambel l'aimait et la vénérait. Jamais il ne passait une journée sans y aller au moins une fois, et plus souvent 2 ou 3. Ils arrivèrent à bon port, après s'être querellés tout le long du chemin. M. Tocambel reçut même 1 ou 2 pinsons au bras. Le dernier mot de Madame de Montclair fut « Je vous enverrai demain un faucheur pour tondre votre gazon, qui est trop long. Et moi, je vous enverrai mon tailleur pour vous coudre la langue, » répliqua M. Tocambel en baisant la main que lui tendait son ennemi.